peu les filles. Allez, marquez ! Ah ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Apprends-moi la main, crois mon petit Pékin. Oh oui, viens avec moi. Apprendre ce nouveau pas. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Eric, bienvenue sur l'antenne de RIG 90.7 et sur le www.rigfm.fr si vous n'écoutez pas, évidemment, sur la région bordelaise. On l'entend aussi avec l'accent, hein. On est de Bordeaux ici. Comment allez-vous tous? Eh bien, bien, bien, vous savez quoi? Chocolatine. Ouais, chocolatine, exactement. C'est bien d'ici, hein, chocolatine, oh oui. Pain au lait, on comprend pas. Ici, c'est chocolatine, faut dire, dès que vous venez sur Bordeaux. Bonjour, bonjour madame, je voudrais une chocolatine. Voilà. Et là, on te la sert, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous savez quoi? C'est la 300e émission de Johnny de A à Z sur l'antenne de RIG. Déjà, on va dire en gros 10 ans, bientôt 11 ans de bons et loyaux services sur cette station de radio bordelaise. Et exactement, Blanquefort, on va dire. Et je suis heureux toujours d'être là. Thierry et moi, nous sommes heureux d'être toujours ici à l'antenne pour vous présenter les émissions, ou du moins les interprètes, les chanteurs, les compositeurs que vous aimez en général. Et donc, pour le coup, qu'est-ce que je vous ai demandé pour cette 300e émission? Je vous ai demandé de faire... Ce serait vous qui ferez l'émission. Donc, quelques-uns m'ont donné des titres. J'ai par exemple, j'ai Jean, j'ai Mag, j'ai Laurent, j'ai Martine, j'ai Marie-Yvonne qui m'ont proposé des titres. J'attends encore, vous pouvez toujours me les poster sur un message privé, sur Facebook, sur le groupe Johnny de A à Z sur RIG. Et puis, il y aura de la place. Allez, on va prévoir à peu près 2h05 d'émission. Quoi? Vous n'êtes pas content? 2h10? C'est pas assez non plus encore? Oh, alors, 2h30? Non, il y en a encore qui rouspètent, hein. Ouais, 3 heures d'émission. Allez, on fait 3 heures d'émission pour cette 300e. Voilà, 300, 3 heures, c'est logique, on va dire, hein, quelque sorte. Hein. Vivement la millième émission, 10 heures d'émission. Hein, on verra ça plus tard, on en reparlera plus tard. Et qu'est-ce si on commençait tout de suite par le premier titre que vous m'avez proposé? C'est Jean qui va ouvrir le bal avec le titre que Johnny a aidé à chanter en l'an 2011 sur l'album Jamais Seul. Et c'est une chanson aussi que je voulais diffuser ce soir dans cette émission Johnny de A à Z. Ça tombe bien. Voici tout de suite Guitar Hero pour commencer cette 300e émission sur l'antenne de RIG. En live! Jouer Je n'ai aidé à l'antenne de Taratata. C'était en l'an 2011. Et là, tout de suite, on va retrouver une chanson qu'a demandé Mag. Voici tout de suite « J'ai pleuré sur ma guitare » version 81, toujours du live. C'est la 300e émission de Johnny de A à Z sur RIG. Si tu reviens un jour, marcher sur les traces de notre amour, tu ne trouveras plus ton chemin. Qu'un jour ici, tu reviens, tu verras la maison. Comme moi, elle a son cœur à l'abandon. Et ses portes ouvertes à tous les vents. Me cherche pas plus longtemps. Mais j'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. J'ai attendu longtemps, guettant ta voix dans la voix du vent. Ton image dans l'eau des torrents et ton parfum dans les champs. Oui, j'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu. Et je ne sais même pas où va ce train. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur mes chagrins. Tu es parti trop tôt, tu es venu si tard. Je ne sais même pas où va ce train. Johnny en live. On continue avec du live. Mais cette fois-ci, c'est un titre que je n'ai jamais diffusé auparavant sur l'antenne de RIG. Jamais. Il pleuvait fort. Johnny qui chante Le Parapluie en 1966. Sans parapluie, j'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. La meurtre doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, hardi, chemin faisant, que ce fut tendre, tu iras de le chant joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits, un petit contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un dangereux. Un petit coin de paradis, contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change mardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le ciel fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose à l'enjeu. Coin de paradis, contre un coin de parapluie, ne perdez pas au change mardi. Merci Laurent pour cette chanson que tu as proposée, Le Parapluie de 1966. Et tout de suite, Martine qui nous propose Diego Libre dans sa tête en 1990, c'était à Bercy. Ce soir, nous fêtons la 300e émission de Johnny de A à Z sur RIG. Quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, il fait chaud. Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Salut, c'est Johnny. Johnny de A à Z. Retrouvez Johnny Hallyday pendant 2 heures avec Eric. La prochaine chanson est demandée par Julie. Voici tout de suite Johnny Hallyday en 1972, Avant. Avant, je posais ma tête au creux de tes mains. Comme un enfant, je n'avais peur de rien. Quand mon corps épuisé s'abandonnait au creux du lit où nos vies commençaient. Je caressais tes cheveux et mes lèvres savaient fermer tes yeux et je pouvais te regarder dormir sans jamais me lasser de ton sourire. Et te faire crier de joie et je trouvais les mots qui te brûlaient et c'était tout ton corps qui m'appelait quand tu m'aimais, c'était avant tout était beau lorsque tu que c'est que d'avoir très mal, mal à ne plus savoir comment pleurer, comment vivre et sans savoir où aller. Maintenant que l'amour est au passé, te faire crier de joie et je trouvais les mots qui te brûlaient et c'était tout ton corps qui m'appelait quand tu m'aimais, c'était attention, maintenant ça va bouger. Thierry m'a demandé un petit titre qui est la chanson Dis-le-moi. Mais voilà, dis-le-moi. Moi. On le voit ça tout de suite, c'est la 300e. C'est pour toi, Betty. Tu es sur la route. Bonne route. Si tu joues avec moi, par peur d'être trop seul. Si je ne brille pour toi à tes yeux qu'en amuse-gueule. Si tu joues, parle-moi, rien qu'au son de ta voix. Et dans le choix de tes mots, j'entendrai ce qu'il faut. Je t'en prie, dis-le-moi. peur d'avoir mal si tu pars. Dis-le-moi. Oh, oh, oh. Si tu joues, écris-moi juste un petit mot comme ça. Un dessin fera l'affaire si tu préfères te taire. Si tu joues, me laisse pas m'accrocher après quoi. J'en deviendrai amer d'en avoir trop souffert. Je t'en prie, dis-le-moi avant qu'il ne soit trop tard. Je t'en prie, réponds-moi. Nos deux, ça peut faire une histoire. Je t'en prie, dis-le-moi. Un jour j'aurai mal si tu pars. Dis-le-moi. Oh, dis-le-moi. Si tu joues, n'attends plus. Au moins, fais-le pour moi. Ne pas savoir me tue chaque jour loin de toi. Si tu joues, je t'en veux pas. Je dirai rien, je pleurerai pas. Je ferai celui qui savait. Je me ferai croire que jouais. Je t'en prie, dis-le-moi. Ça peut faire une histoire. Je t'en prie, dis-le-moi avant qu'il ne soit trop tard. Je t'en prie, réponds-moi. Nous deux, ça peut faire une histoire. Je t'en prie, dis-le-moi. Ce soir, nous fêtons les 300, la 300e émission de Johnny de A à Z sur l'antenne de RIG. Et pour l'occasion, Rook nous propose la chanson Perdue dans le nombre. C'est l'occasion, hein? La 300e sur RIG, c'est ici maintenant, de 22h jusqu'à. Sur ma carte, y a un numéro, et pas de nom, même pas de photo. Je suis dans la file le long du trottoir. Depuis ce matin, j'attends le soir pour un boulot payé en retard. Le sort de ceux qui vivent dans la cité. Perdu dans le nombre d'un troupeau de misère. Perdu comme un grain de sable dans le grand désert. Mon berceau et qui sera un jour gravé sur ma tombe. Pas de soleil, les murs sont faux. Pas de rivière, rien que le ruisseau. Je suis né du mauvais côté de la ville. Et encore la force de crier que je suis un homme. Pas un numéro oublié. Perdu dans le nombre. Le prochain titre a été demandé par Marie et Marie-Yvonne qui nous a demandé La prison des orphelins, John Hallyday et Michel Mallory en 1973. Extrait d'album Insolitude. Ma pauvre terre, tu n'es plus rien que ma misère et mon chagrin. Et l'herbe verte dans le grand champ est couverte de ciment. Et la fontaine, et la fontaine est asséchée, est asséchée. Notre plaine, l'introduction, je voulais raconter que, évidemment, 11 ans de bons et loyaux services sur RIG avec Thierry, par exemple, et nous sommes toujours là. Voilà. 300 émissions, 320 émissions pour Thierry. Nous sommes toujours là, et pour l'occasion, je vous propose cette chanson du Pavillon de Paris, Porte de Pantin. À 6h du matin, il faut faire le point. Parfois pour exister, je me tue la santé. Et comme dans un linceul, je me sens vraiment seul. Et dans le pire des cas, sans baisser les bras, contre vents et marées, marée noire ou glacée, il faut savoir lutter, savoir ne pas tricher. Et voilà, je suis toujours là. Bougez-moi, n'en resterons pas là. Pas question d'abandonner, de me démobiliser. Il y a dans mon métier des prostituées. Les seigneurs de la prime et les chasseurs de primes. Et ce plein de tendresse pour les jours de détresse. Quelques-uns sans pudeur qui vous font monter dans certains ascenseurs qu'il faut leur envoyer. À chacun son métier, le mien est de chanter. Jamais su gueuler avant d'avoir mal. Choisis la liberté sans m'emporter plus mal. Si je me suis trompé, à moi de l'assumer. Et comme un forcené, je me suis juré de ne jamais faiblir, de ne jamais trahir tous ceux qui dans le noir ont tant besoin d'espoir. Et voilà, je suis toujours là. Attention, quelque chose que nous avons jamais entendu auparavant. Je vous propose d'écouter Johnny Hallyday en répétition. C'était pour l'occasion de 2000. Johnny Hallyday qui a répété pour l'Olympia. Entre autres, voici Je suis né dans la rue pour la 300e émission de Johnny de A à Z sur RIG. Vous connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Je suis né dans la ville où les murs sont aujourd'hui. Derrière un terrain où se trouve l'étonné. Dans un verse de fer, j'ai levé l'ennui. Vous n'étonnez pas si je ne sais pas jouer. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue, dans la rue. Je n'ai pas eu de père pour me faire entrer le soir. Et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Je suis né dans la rue, je suis né dans la rue. J'ai dû me battre pour avoir la que j'aimais. Et tu me battes encore plus fort pour la garder. De tous les côtés de la ville, on me cherchait. Et toi, ce sont ciel, puis je n'ai pas changé. Non, je suis dans la rue, je suis né. Et je suis né dans la rue, dans la rue. Où les murs sont toujours gris. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Et mes chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Et dans la mairie, moi je retourne dans la rue. Oh oui, je suis né dans la rue. Je suis né, né, né dans la rue. On me parle avec respect et je dis que c'est la voix. On me choisit mes amis, tu sais, les meilleurs qui soient. Alors mon inter changer les écoles et la vie. Vous perdez votre temps, moi je retournerai à la rue. Je suis dans la rue, je suis né dans la rue. Dans la rue, je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue. Oh! Dans la rue. Le bon petit tipiac que je vous ai proposé pour la 300e et qui nous a été demandé par Laurent. Voici de suite une chanson qu'elle nous a demandé Bruce. Reconnaissez-vous? Parc des Princes, 1993. Oui, Johnny est le fils David avec Mirador. C'est la nuit dans le quartier des fous. Les matons ont tiré les verrous. Sur des tueurs, des voleurs de cachous, des flambeurs, des tatoués, des loulous. Oui, la liberté, on l'a fait. Et on enterre le corps sous le mirador. Oui, la liberté. Sleep last night and held you to me in the blue dawn light. I never knew there was a place this deep, or that you would reach that place in me. If you trust in my soul, I can show you my heart. Give all you want to me, to heaven to hold. Trust in my soul, I'll show you my heart. Give all you want to me, to heaven to hold. When I look into the light I see, is my own spirit shining back to me. If I am sure that I will find. encore sous le vibrator. Trust in your soul, I'll show you my heart. Give all I am to you, to have it to hold. Je dois vous dire que ce soir, vous êtes venu applaudir le meilleur. Avec le meilleur des fils. Salut, c'est Johnny. Johnny et les années 2010. 2012 exactement, avec l'album L'Attente et le titre L'amour peut prendre froid en duo avec Céline Dion. Qui était demandé par Martine. Si jamais je me perds, si jamais je prends l'eau, ouvre-moi la portière, l'amour peut prendre froid. Si tu fais marche arrière, si tu regrettes tous ces mots, car au creux de l'hiver, l'amour peut prendre froid. Si tu veux bien encore, de mon cœur et de mon corps jusqu'à l'aurore, me laisse plus comme ça toute la nuit au dehors. L'amour peut prendre froid. Si jamais on s'endort dans notre petit confort, on changera de port. L'amour peut prendre froid. Si on roule vers le nord, on laissera notre décor se consumer alors. L'amour peut prendre froid. Si jamais on s'en sort, changer de peau, referme bien la portière, l'amour peut prendre froid. Salut, c'est Johnny. Johnny et les années 80. Le prochain titre qu'on va entendre, ce sera Ma voix de révolté, Johnny Hallyday, extrait sur l'album La Peur en 1982. Ma voix de révolté, c'est demandé par Mag. Pour la 300e émission de Johnny de A à Z sur l'antenne de RIG, c'est vous qui faites la programmation et on va repartir en live tout de suite. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Entre autres, j'ai... Waouh, ça attaque fort. Vous que m'a demandé, Génération perdue. Tu réclames ta liberté. Ne veut pas comprendre et voudrait te voir derrière son établi à marteau en main toute ta vie. Samedi soir la sortie est obligatoire et s'arrête au cinéma. Et dans l'effroi de l'incertitude, il y a au plus profond de ta solitude, derrière les murs de la compréhension, un espoir passion. Tu prendras l'avenir comme il te viendra. Si tu veux, il sera pour toi. En silence de la nuit, ton cœur trop serré a envie d'exploser à la face d'un monde résigné. Tes yeux aveuglés par l'enfance trompée s'ouvriront sur la vérité. En veut à la terre entière. Et le long des routes, il ne trouve que la misère. Mais tes doigts sont en or et sur ta guitare, tu joueras pour sortir du noir. Attention, maintenant nous allons entendre un titre que vous n'avez peut-être pas entendu ou très peu entendu. Le son est comme ça, c'est un petit tipiak. On se remet en situation, nous sommes en 1984, lors de la première du Zénith en 1984, donc c'était le 25 octobre. Et voici le medley que Johnny modifiera le jour suivant. Et ce jour-là, on entend des titres inédits, je vous laisse écouter, c'est un petit bijou. D'accord, merci Laurent. Je sais où aller tourner. Dans un coin de fer. Je me suis fait avoir. Parce qu'après on a enchaîné avec La Bagarre, bien entendu. Un excellent, c'était un excellent medley qui n'a vu le jour qu'une seule lors d'une la première représentation de ce Zénith en 1984. Martine a demandé un petit Gabriel, surtout pour écouter Greg Slap. Vous écoutez RIG, c'est la 300e émission de Johnny de A à Z sur l'antenne de RIG, bien entendu. On est là, c'est vous qui faites la programmation ce soir. Moi, j'ai dû rajouter peut-être un ou deux titres perso, c'est tout. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Je ne veux plus voir en image dans tes yeux 10 ans de chaîne sans voir le jour. C'était ma peine, pense à de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut ma place. Et 10 ans de chaîne sans voir le jour. C'était ma peine, pense à de l'amour. Un schéma figé. We'll be right back. harmonica, c'est bien sûr le fabuleux, l'unique Greg Zlap. Que Marie Donatan, bien entendu, puisqu'il nous a demandé Entre mes mains, et c'est moi qui choisis la version. Voici Bercy 2013.

Prochain titre qu'on m'a écouté d'ici quelques secondes, si c'est bien revenu. Johnny et les années 60. Ce sera le titre Attention, extrait d'album Rêve et Amour en 1968. La 300e émission de Johnny de A à Z, c'est ici, sur RIG. Attention, si tu t'en vas, je ne te rattraperai pas. Attention, si tu t'en vas, oh mon amour, prends garde à toi. J'en connais d'autres filles bien plus belles que toi. Tu peux partir tranquille, elles n'attendent que ça, mon amour. Ne crois pas que je vais te supplier pour ça. Je te dis attention, si tu t'en vas, je ne te rattraperai pas. Attention, si tu t'en vas, oh mon amour, prends garde à toi. Attention, si tu t'en vas, je ne te rattraperai pas. Attention, si tu t'en vas, oh mon amour, prends garde à toi. Un amour quand ça casse, ce n'est plus comme avant. Tu peux laisser ta place pour aimer à tout vent, oh oui. Mon amour, ne crois pas que je vais te supplier pour ça. Je te dis attention, si tu t'en vas, je ne te rattraperai pas. Attention, si tu t'en vas, oh mon amour, prends garde à toi. Attention, puis si tu t'en vas, je ne te rattraperai pas. Attention, et si tu t'en vas. Maintenant, c'est à moi de vous dire attention. Attention, voici tout de suite Johnny Hallyday. Vous savez que Johnny avait repris la chanson Et maintenant en 2009 pour sa tournée d'adieu. Sa tournée d'adieu, c'était la route 60, le tour 66. Mais savez-vous que Johnny avait repris déjà cette chanson-là dans l'émission Casino Parade sur RTL le 10 octobre 1983. Et il chante en duo avec Thierry Leluron. On écoute ça tout de suite sur l'antenne de RIG. Et c'est une demande de Laurent. Et maintenant, je vais te faire de tout ce temps que sera ma vie, de tous ces gens qui m'indiffèrent. Maintenant que tu es parti, ces nuits les petits. Allez, encore une. Allez. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Mais bien sûr, encore une, puisque c'est la 300e. Voici une chanson qu'a demandé Jean. Possiblement tôt, Johnny Hallyday en 1990. Et ce soir, pour la 300e, c'est vous qui faites la programmation. Deux ans plus tard, nous nous retrouvons à Bercy 1992. Voici la chanson dédiée à Tiananmen, à l'événement Tiananmen. C'est Hook qui nous a demandé ce titre-là. Et moi, je vous pose les Bercy, la version de Bercy 1992. Cirque de pierre sous le soleil de juin. Les hommes assis par terre ont bravé le destin. Et pourtant hier et c'est déjà si loin. M'en souviens. Un printemps comme les autres que celui de Pékin. Pourtant hier, qu'en ferons-nous demain? Qu'en ferons-nous demain? À force de subir les coups, y a des cris que l'on n'entend plus, des voix qui n'ont plus d'autre issue que de maudire sans maudire. À force de haïr les fous, y a des hommes qui lèvent leurs chaînes. Peut-être même debout. Oh, Tiananmen. Tiananmen. Tiananmen. Tiananmen. Tiananmen. Une génération muselée, mutilée. De sa révolution qu'on n'a pas écoutée. Et pourtant hier c'est déjà oublié. Mais ce n'est rien. Si le corps est vaincu, brûle toujours la flamme. Rien n'éteindra plus à l'écueil de son âme. Encore aujourd'hui, et ce sera demain. Et ce sera demain. À force d'assumer les coups, y a des cris que l'on n'entend plus. Les voix qui n'ont plus d'autre issue que de maudire sans maudire. À force de haïr les fous, il y a des hommes qui lèvent leurs chaînes. Mourir peut-être mais debout. Oh, Tiananmen. Oh, Tiananmen. Tiananmen. Oh, Tiananmen. Tiananmen. Tiananmen. Kili Watch. Kili Kili Kili Kili Watch Watch Watch Watch. Kéom Kéom Kéha. Depuis deux jours, je me fais te répéter ce petit air qui commence à m'énerver. Kili Kili Kili Kili Watch Watch Watch Watch. Kéom Kéom Kéha. C'est contagieux, car au lieu de dire bonjour, en me croisant, mes voisins chantent à leur tour. Kili! En décembre 1960, Johnny Hallyday donne son premier gala en Suisse au Grillon de Genève et sa prestation composée de trois titres, Souvenir, Souvenir, Le Petit Clown de ton cœur et cette chanson Kili Watch, est diffusée à la TSR dans l'émission Musical à domicile. Allez maintenant, petit interlude. Johnny de A à Z. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Le rock'n'roll, il est là pour rester. Tout à l'heure, je m'étais trompé de titre. Voici la chanson qui était demandée. Et non pas Génération Perdue, mais Génération Banlieue. Voici Rook, ça y est, c'est réparé. 1968, j'ai 16 ans. Et je suis pas bien dans ma peau. Continue, fais montrer les dents. Salut, c'est Johnny. Johnny, de ses débuts à nos jours. Et Marie nous demande à nouveau cette chanson de 1970, extrait de l'album Vie. Voici deux amis pour un amour. C'est la 300e émission de Johnny de A à Z sur RIG. Et c'est vous qui faites la programmation. J'espère que malgré les incidents internet, vous êtes bien ici sur RIG. On avait grandi ensemble et maintenant tu es là. Tu dors entre quatre planches et moi je ne comprends pas. Tu étais plus que mon frère, sauras-tu me pardonner? Durant ma vie tout entière, je ne te dit, c'est pas grand chose une fille lorsque l'on a un ami. On s'était fait la promesse tous les deux de l'oublier, mais j'ai trahi ma promesse, je n'ai mais quand elle m'a embrassé, tu es parti sans colère, à la mort tu t'es donné. Depuis je vais par les routes, je n'aurai plus de repos, je n'aimerai plus sans doute ma vie. Déjà 2 heures d'émission ensemble, il nous reste une petite heure à passer ensemble et on va l'écouter. Salut, avec Johnny toujours, Johnny évidemment. Et les années 60. Les années 60, voici pour Martine. Retiens la nuit. Mais oui, il est minuit. Retiens la nuit à minuit. Retiens la nuit. Nous pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit. Dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et le fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures, je t'en supplie. à l'infini. Reviens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je prône la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies. Reviens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour veille le jour et ne fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Oh, retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les sorts. Je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit, oh je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Il y en a qui retrouvent leurs jeunes années, ben oui, ben vous avez toujours 20 ans, même ici, maintenant, vous avez toujours 20 ans. Allez, maintenant, je vous avais diffusé il y a quelques mois auparavant une chanson de Johnny Hallyday, enfin du moins c'était... Une version karaoké, on va dire, en quelque sorte. Hein. Version, voilà, le. Hein. C'est moi qui chantais, sur Gabriel. Hein. Et pour l'occasion, pour la 300e, ben, vous savez quoi, je vais vous la rediffuser. Et donc, allez-y, moquez-vous, il n'y a pas de souci, c'est la 300e. On est là pour faire les fous, il n'y a pas de souci. On écoute ça tout de suite, ma version de Gabriel. Place. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était Ah mais je peux la refaire, hein, je peux la refaire, je chante beaucoup mieux maintenant. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Maintenant, je vais vous proposer Johnny Hallyday en répétition. C'était en 1978 avec le titre Si j'étais un charpentier, qui n'a pas chanté après en 1979 ou sur une autre date. Je suis content d'être là ce soir avec vous. Si j'étais un charpentier, qui t'appelait Marie, voulais-tu alors m'épouser, porter notre enfant? Oh, ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi. Je l'aurais construite pour toi, celle avec mes mains. Dans l'amour que je te donne, tu dois être forte. Dans notre fils sera il y aura beaucoup à faire. J'étais un charpentier, tu t'appelais Marie, pour mes mains serrées sèches et douces, et je suis fragile à les hommes et leur colère, viendrait la nuit pour tuer, nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. Tu dois être forte dans notre fils sera il aura beaucoup à faire. Un charpentier, tu t'appelais Marie, pourrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Oh, pourrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? C'est-à-dire que la fin, moi, je la faisais ad lib. Voilà, il la faisait ad lib, tout simplement. C'était un titre qu'avait demandé Laurent. Voici tout de suite Moraya, c'est demandé par Rook. Moraya, princesse de l'ombre, où t'en vas-tu lorsque vient le jour? Ma mère de la nuit, viens-tu d'un rêve ou de ma folie? Deux oiseaux qui dansent, ce sont tes mains gantées de noir. Yeah! qui me brûle le sang. Toi qui ne sais pas pleurer, laisse-moi t'aimer. Fleur de la nuit, Maria, qu'est-ce que tu fais de ma vie? Je suis fou. Maria, fleur de la nuit, Maria, qu'est-ce que tu fais de ma vie? À présent, je vais vous diffuser une chanson, du moins c'était un duo virtuel que j'ai concocté il y a quelques années déjà. C'était la version Bob Seger et John Hayden. Souvenez-vous, il y en a un qui chantait Still the Same, l'autre qui dit toujours le même, et puis si on contracte les deux, ça fait toujours the same. Et ça a été demandé par Mag, elle demandait surtout la chanson Toujours le même. Mais pour l'occasion, pour la 300e émission de Johnny de AZ sur RIG, je vous propose d'écouter en quelque sorte l'hymne de cette émission, Toujours the Same, le duo virtuel John Hayden et Bob Seger. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et la valse et des chansons, la demande continue. Voici à nouveau une chanson demandée par Martine, le pénitencier. Et j'ai choisi la version du Pavin Paris Porte de Pantin en 1979. Oui. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie. Comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa veuve de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu. Demain tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. Seule la nuit, traînez dans les rues, ils iront tout droit en prison. Il faut les oublier. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je Et à présent, on va revenir en arrière, 1973. Nous allons à Vigneux. Alors, l'enregistrement n'est pas si terrible comme ça. Ça commence par La fille aux cheveux clairs, mais c'est une autre version qu'on va entendre. Et c'est Laurent qui a demandé cette version-là. Je sens que ce soir, ça va. Ça va. Ça va brûler. Yeah.

Bon, évidemment, je vous ai rajouté la suite, hein, la fille de aux cheveux clairs, évidemment. Petite parenthèse, maintenant dans l'émission Johnny de A à Z pour la 300e, vous adorez m'écouter chanter. Bon, ça c'est un fait, c'est un fait, je vous en demande pas trop, hein, quand même. Mais je vais vous proposer une version que je vais proposer à Thierry de diffuser dans son émission, qui ne l'a pas encore faite en cover. C'était une cover que j'ai fait avec mon groupe, Joe Potatoes et les Dorifors, oui c'est le nom du groupe. Et vous aurez l'occasion un de ces jours d'écouter la version de Gabriel que nous allons jouer bientôt en concert. Voilà, et je vais vous faire écouter la version de Something, version cathédrale de Rome, vous savez, là où Ennio Morricone avait fait son studio d'enregistrement, et puis en 1974, Johnny enregistra deux chansons dans cette cathédrale, c'était Je t'aime, je t'aime, je t'aime, et aussi la chanson Prends ma vie. Et bien c'est pareil, je suis allé en Italie, je suis allé à Rome, on est allé dans ce studio d'enregistrement, et avec mon groupe, avec la basse et la guitare uniquement, on a fait cette petite version de Something, que je vous propose d'écouter tout de suite. C'est vraiment la parenthèse dans l'émission, il n'y en aura pas d'autre. Hein. Salut, c'est Johnny. Johnny et les années 2000. Hey, c'est Martine qui a demandé cette chanson-là. Clémence, extrait de l'album Ma Vérité en 2005. Je voudrais pouvoir essayer. C'est un peu d'histoire que tu portes dans tes bras sans même y penser. Ton nom qui fait naître l'envie qu'on a toujours espéré. Est-ce que tu veux le partager? On nous l'a souvent refusé. Clémence, Clémence, seras-tu un jour étonné? Clémence, Clémence, les pardons que j'avais demandé. C'est un drôle de nom que tu as, lourd et léger à la fois. Je veux le crier sur les toits, en offrir tout autour de moi. Pense à tous ces destins brisés dont l'on pouvait les épargner. L'esprit des anciens condamnés repose enfin à tes côtés. Oh Clémence, Clémence, pourras-tu un jour me donner? Clémence, Clémence, les pardons qu'on avait demandés. Qui décide du prix de nos chances? C'est toujours ceux qui mènent la danse. Seras-tu un jour avec moi? Je voudrais un peu de ton nom. Oh, un peu de ton nom. Je voudrais un peu de ton nom. De ton nom. Clémence, Clémence, pourras-tu un jour me donner? Clémence, Clémence, les pardons qu'on avait demandé. Si maintenant on allait au Palais des Sports en 1982 lors de la première, c'était exactement le 14 septembre 1982. Souvenez-vous, John Hayday avait chanté quelques chansons au départ et après a été retiré comme d'habitude. C'était souvent à l'époque. C'était retiré de la playlist. Et là, on va retrouver cette chanson-là sans profession. Extrait de l'album La Peur, demandé par Laurent. Une nouvelle chanson. Dans la musique de Bruno Victoire, mon guitariste. Que j'ai soufflé entre deux fils.

Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny en live, bien entendu. Zénith, en 1985, lors de la dernière de Johnny au Zénith, c'était le 2 février 1985, et ce titre-là, Dégage. On retrouvera après Essayer, Tom Dooley, Laisse-moi une chance avec Builder M, le titre J'ai peur, je t'aime, et aussi Johnny quand il chante Quand je t'aime. Tu es un retour de ce que ça. On reviendra, Que je t'aime, en italien. Que tu penses qu'elle s'éloigne de moi, ne la regarde pas avec des yeux comme ça. Qu'elle n'est pas encore à toi. Dégage. Tu vois ce que j'ai pas dit. S'il y a un moyen de la garder, de le trouver. Tout sans personne. Dégage. Il y a quelqu'un de trop dans le pays. Tu devrais aller voir ailleurs, c'est ici. Si je te vois tout à tourner en rond, tu te rappelleras de mon nom. Dégage. Tu vois ce que je veux dire. Tu y as un moyen de la garder, de me le trouver. Ouh, sans personne. Pour la dernière fois, car ça n'est pas avec toi qu'elle va partir. Si tu ne comprends pas, elle ne resterait pas. Pour te dire, je sais m'en servir. Dégage. Tu vois ce que je veux dire. S'il y a un moyen de la garder, je veux le trouver. Wouh. Sans personne, dégage. Maintenant, un petit détour au Parc des Princes, où on va retrouver Johnny Hallyday, bien entendu, pour ses 60 ans, c'était voilà, en 2003. Et le titre « Essayer ». Qui c'est qui me l'a demandé déjà « Essayer » ? Eh bien, c'est Marie-Vonne qui me l'a demandé. C'est Marie qui me l'a demandé. « Essayer en live ». Quand vos parents vous quitteront, ils vous diront « Faut essayer ». De vous aimer à votre tour de réussir tout ce que nous avons gâché, avons raté. Peuvent être fiers, oui, notre univers ils l'ont gâché. Encore une fois, tendez les bras. Encore une fois, faut essayer de vous aimer. Johnny Hallyday au Parc des Princes, on le retrouve maintenant à Lausanne. C'était le 20 janvier 1988. Et il va nous apporter Tom Dooley. Encore un petit tipiac. Normal, c'est la 300e. Des surprises, plein de surprises. Cette chanson, c'était vraiment qui s'appelait à l'orée du bois. J'avais 12 ans, c'était au milieu d'une nuit haute danse des gens qui m'ont élevé, Lee et Desta Hallyday. Il paraît que ça faisait trop de bruit pour les gens qui mangeaient, on a été virés. Et depuis, ils l'ont regretté. D'ailleurs, je chantais même un couplet qui était en français, qui était « Faites un prière, Tom Dooley. Faites un prière, mon Dieu. Faites un prière, Tom Dooley. Demain, tu vas mourir. » Voilà un petit tipiac qu'on aimerait entendre encore plus souvent, bien entendu. Oh, petit piac ! Mais ouais, c'est là. Ouais, ouais, ça y est, c'est la 300e, c'est normal. Nous sommes au Cap d'Agde. C'est une belle chanson que vous n'avez pas entendue encore. Eh non, ils viennent de l'enregistrer. Une chanson que j'ai enregistrée à Nashville. Ouais. Vous ne l'avez pas entendue parce qu'elle ne sortira qu'en septembre. Donc, c'est ça. Je la chante pour vous. Une chanson qui a été composée par Bill Doreen. Laisse-moi une chance, c'était le 16 juillet 1983. Tu sais, je regrette tout ce que je t'ai dit. C'est la meilleure de toutes les filles. C'est toutes celles qui traînent par ici. Parce que le temps arrive à la cheville. Je voudrais tellement, tu recommences. Wow, Et c'était Jean qui nous avait demandé ce titre-là. Laisse-moi une chance. À présent, un classique du genre maintenant dans l'émission Johnny de A à Z. Vous avez pu l'entendre au cours de ces 300 émissions. C'était le titre J'ai peur, je t'aime. Et ça, c'est Laurent qui nous l'a demandé. Qui enchaîne. J'ai peur, je t'aime. Extrait donc de Port-Bocarès. C'était le 8 août 1970. Je lui ai tendu la main. as pris ma main. Oh, je l'ai serré fort. Je crois que de ma vie, je me rappelle de ma vie, jamais je ne pourrais aimer comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je crie. Aujourd'hui, je crie. Je suis seul, mais je t'aime. J'ai peur de la porte qui ne s'ouvre pas. J'ai peur que tu ne viennes pas. J'ai peur de l'été quand les feuilles sont fanées. Je t'aime. Qui cache ton retour. J'ai peur d'attendre toujours. J'ai peur de l'automne quand il te ressemble. Je t'aime. Je pense à l'enfant qui portait mon sang. Mais je ne veux rien croire. Je t'aime. J'ai peur de la pluie qui donne la terre. J'ai peur aussi de vieillir. J'ai peur de l'hiver. Il te ressemble tant. Je t'aime. C'est pas qui résonne dans une autre maison. J'ai peur d'entendre ton rire. Ton corps va souffrir. Je ne veux rien croire. Je t'aime. Et on reste toujours dans les Tipiac avec cette fois-ci un concert à San Remo. C'était en 1969, le 17 octobre exactement. C'est Johnny qui chante Quanto ti amo, que je t'aime en italien. Ora che tu sei qui, sento che cambierà, domani tornerà la mia felicità. Quanto t'amo, non lo sai. La bocca tua si incontra con la mia, quando la tua canzone diventa poesia, quando il tuo cuore vuole, ma il corpo tuo non sa, quando per il pudore lui si allontanerà. Quanto t'amo, quanto t'amo. Non lo sai quanto. Quando l'estate muore, quando tu invecchierai, e il tempo dell'amore per te è finito ormai. Quando il primo sorriso un grido ti verrà, quando il tuo desiderio da solo resterà. Quanto t'amo, quanto t'amo, non lo sai. Quanto t'amo, quanto t'amo, non lo sai. Quanto t'amo. Quando la mano tua si lega con la mia, quando la realtà diventa fantasia, senza pensare a prima, senza pensare a poi, quando restiamo soli e siamo solo noi. Quanto t'amo, quanto t'amo, non lo sai. Quanto t'amo, quanto t'amo, non lo sai. Quanto t'amo, oh, quanto t'amo. Salut, c'est Johnny. Johnny et les années 80. C'est vous qui faites la programmation et vous m'avez demandé, Rook m'a demandé, la tournée. Alors, est-ce une tournée ou la tournée? Je l'ai aidé en 1984. Lundi Bordeaux, mardi Toulouse. Il faut quand même faire le beau, même si t'as le blues. Mercredi Rennes, ouais, faut pas qu'on se traîne. Sinon jeudi en matinée, je crois que c'est râpé. Le 15, le Finistère, qui a un anniversaire. Je pense au télégramme, sinon quel drame. Après ça c'est plus cool, t'as le bonjour de Besoul. Palais des sports, palais des foules. Une relâche à Angers, ce sera dodo la tournée. Vue sur la mer, y'a pas à dire à Angoulême, faut vraiment faire. Et puis hier, un août d'hiver, ça ira mieux à Saint-Jean-de-Luz. Et ma petite amie croit que je m'amuse. Vendredi 13, on fleur, je n'ai pas pu dormir. Bonjour l'artopiqueur, ça fait plaisir. Mon lit, ce sera ma tire. Un couche d'or, un couche roule. Palais des sports, palais des foules. Chapiteau des pieds gelés, c'est pas toujours chaud la tournée. Palais des sports, palais des foules. Le tournus a tourné, trois petits tours, s'en va la tournée. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live toujours. Et là, nous sommes en 1993. Johnny est à Saint-Geneviève-des-Bois. C'était le 24 juin 1993. Je vous ai déjà diffusé cet extrait-là. Voici Hey Joe. Encore un petit tipiac. Et c'est la soirée, c'est la 300e de Johnny de Hazard sur RG. Comme ça, y a pas le feu chez toi. Hey Joe, y a le rongeur qui t'en mourra pas. Quand je rentre à l'heure qui me plaît, j'ai même fait le ventre. J'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais. Mais rien qu'un lit froid sans personne devant. Tu t'en fous de tout ça. Salut, c'est Johnny. Johnny, de ses débuts à nos jours. Allez, un petit peu de douceur sur le monde de brut. Voici Johnny Hallyday en 1979, du même côté de la rivière. Ça, c'est Rook qui l'a demandé. T'as une voiture comme dans les films, on dirait que la chance est au bout de tes phares. On parle de toi dans la ville, tu avais la beauté, il te fallait la gloire. On pourrait bien se téléphoner, histoire de parler du temps passé, mais tu sais bien, on ne vit pas du même côté de la rivière. Toi ni moi, on ne revient pas en arrière. On ne vit pas du même côté de la barrière. C'est mieux comme ça, chacun sa vie, chacun sa guerre. A bien changé depuis l'école, quand tu rêvais de vivre tout seul sur un voilier. Avec toujours des idées folles, à faire des ronds dans l'eau, le temps est vite passé. On était vraiment si bien ensemble, c'est fou comme l'ambition te ressemble. Mais tu sais bien, on ne vit pas du même côté de la rivière. Ni toi ni moi, on ne revient pas en arrière. On ne vit pas du même côté de la barrière. C'est mieux comme ça, chacun sa vie, chacun sa guerre. Ta photo dans les magazines et ton sourire forcé aux millions de lecteurs. Y a des jours où je me demande qui de nous est l'artiste, qui de nous est l'acteur. On ne vit pas du même côté de la rivière. Ni toi ni moi, on ne revient pas en arrière. On ne vit pas du même côté de la barrière. C'est mieux comme ça, chacun sa vie, chacun sa guerre. On ne vit pas du même côté de la rivière. Ni moi, on ne revient pas en arrière. On ne vit pas du même côté de la barrière. C'est mieux comme ça, chacun sa vie, chacun sa guerre. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. C'est la 300e émission de Johnny 2 à Z sur l'antenne de RIG. C'est vous qui faites la programmation. Encore un titre, trois titres encore supplémentaires et l'émission s'achève. Voici Johnny 2 en 1971 et le titre La Loi. On se retrouve encore une fois avec ce titre-là, L'amour à mort. C'est pour vous dire en gros que c'est l'émission est bientôt terminée. Et attention, on va dire peut-être version karaoké, non? Pour cette 300e émission. Yeah! Tu veux quitter le ciel en trouvant de courage. On n'a plus peur de rien quand le feu se propage. Et je cours. Le dernier titre de la soirée vous est proposé par Jean avec Non, je ne regrette rien. C'est la dernière de l'Olympia. Puis nous avons cherché une chanson digne d'être chantée tous les soirs, en quelque sorte pour vous remercier. d'avoir été là tout ce temps pour moi. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Oh non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo. Balayer pour toujours. Je repars à zéro. Car ma vie, car mes joies aujourd'hui je commence avec oui vous. Ces trois mois de spectacle que j'ai eu la chance de vous voir tous les soirs, c'était pour moi un moment inoubliable que je n'oublierai jamais du fond de mon cœur. Merci pour ces bonnes soirées que vous m'avez fait passer. Vous êtes, j'aimerais pas seulement simplement vous dire que vous êtes des gens bien, vous êtes des gens formidables, des gens chaleureux. Et quand on a un public comme vous, On est fiers de faire ce métier. Merci. Ah oui, et puis. Ah, et puis, il voulait dire qu'il nous aimait aussi également. Merci à tous d'avoir assisté à cette 300e émission Johnny de A à Z. Près de 4 heures d'émission pour fêter cet anniversaire en quelque sorte. Ça fait 11 ans que cette émission existe sur RIG. Et espérons qu'elle dure aussi longtemps encore. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir assisté à cette émission, d'avoir retenu le temps, d'avoir retenu votre sommeil pour aller jusqu'au bout de cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. À bientôt à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.